et faire face au peuple hurlant, être envahi de mille visages et crachant, maudissant les sages. Je regrette le présent et j'avance dans la haine, transporté jusqu'au supplice, la peur de mourir, souffrir. Avec mes chaînes, la justice des hommes me fait tellement peur, tandis que la mort n'est pas une fin en soi. Même si je sens que l'enfer me tente parfois, je sais qu'il n'y a aucun Dieu, je n'ai pas peur. Sur l'échafaud, tu peux toujours leur faire comprendre. Quand tu ne pourras plus les entendre, tu seras au ciel bientôt. Et la souffrance monte encore, il faudra qu'elle s'arrête enfin. La corde au cou, tu serres les poings, qu'un ange qu'elle sort. La justice des hommes me fait tellement peur, tandis que la mort n'est pas une fin en soi. Même si je sens que l'enfer me tente parfois, je sais qu'il n'y a aucun Dieu, je n'ai pas peur. Tandis que la mort n'est pas une fin en soi. Même si je sens que l'enfer me tente parfois, je sais qu'il n'y a aucun Dieu, je n'ai pas peur. La justice des hommes me fait tellement peur, tandis que la mort n'est pas une fin en soi. Même si je sens que l'enfer me tente parfois, je sais qu'il n'y a aucun Dieu, je n'ai pas peur.